18e chapitre. Au pays des Chupin-Blancs. Au XVIIIe siècle, il était de tradition courante chez les paysans de vêtir d'habits rouges les domestiques, journaliers, chambrières, valets et bouviers, et de réserver la couleur bleue pour les maîtres, fermiers et petits propriétaires ruraux. Au moins, Monteil, presque un contemporain, l'affirme dans son Histoire des Français, et beaucoup de preuves nous en sont encore fournies par les musées ethnographiques. Ce que ne nous explique pas Monteil, c'est l'origine des Chupin-Blancs de Pontivy, Saint-Thuriot, Le Saône, Guéméné, Saint-Nicolas, Neuillac, Stival, Saint-Guérand ou Noyal. Les Bretons qui habitent par excellence une terre colorée empruntèrent à leur sol d'or, de lilas et de verdure les merveilleuses teintes de leurs costumes. Car, et ceci n'est point un paradoxe, le septentrion est plus véritablement versicolore que le midi dilué dans la grande flamme de son soleil. Norvège, Hollande et Bretagne sont là pour prouver cette vérité. C'est comme un besoin chez les armoricains d'égayer leur atmosphère trop souvent embrumée. Le chupin n'est pas autre chose que le vieil habit à la française raccourci et aussi une image réduite du pourpoint dit à trois basques dont les citadins de petite condition s'habillaient sous Louis XV. Le chupin est pincé un peu au-dessous des épaules et forme trois plis d'une suprême élégance pour les initiés. Ces coutures ne correspondent pas à la taille du paysan qui paraît avoir revêtu un invraisemblable par-dessus d'enfant de 6 ou 8 ans. Les poches simulées sont posées de biais sous les aisselles et sont découpées en flammes dans du velours appliqué sur l'étoffe blanche. Parfois, des broderies noires et rarement rouges ou vertes décorent les poches. Les manches fendues sont galonnées de velours. Par devant, le chupin s'ouvre largement sur un gilet blanc décolleté en carré. Cette ouverture permet de faire valoir la chemise de fine toile brodée. On reconnaît les habitants des différentes paroisses de l'arrondissement de Pontivy à des détails pittoresques. Deux galons de velours entourent les cols des chupins du Sourne, tandis que les élégants de Mellerand n'en mettent qu'un à leur collet. La disposition des petits boutons argentés et pressés de chaque côté de la veste varie aussi suivant les communes. Les femmes sont invariablement vêtues de noir et portent sur la tête un extraordinaire capot qu'on ne saurait mieux comparer qu'au bonnet de juge. Comme lui, il est circulaire et terminé sur le sommet par un plissé de l'étoffe qui vient se rattacher à un bouton central. Des sortes d'oreillères tombent de ce cylindre et recouvrent les épaules. Doublées de rouge, ces oreillères sont rebroussées sur le sommet de la tête ou bien rejetées en arrière. Ce noir et ce rouge vous ont un petit air diabolique qu'accentue d'ailleurs le bonnet de juge. La ville de Pontivy est le centre indiqué des excursions au pays des Chupin-Blancs et le pardon de Notre-Dame de Kelvin, les 14 et 15 août, réunit les costumes et les types de cette région. Si l'on en croit les étymologistes pour lesquels les rébus n'ont pas de secret, Pontivy doit son origine aux disciples de Saint-Ivy qui vivaient en Grande-Bretagne au 7e siècle. L'histoire assez nébuleuse de ces chefs de clan en qui s'incarnaient les puissances temporelles et spirituelles, laisse à supposer que quelques-uns d'entre eux jetèrent un pont sur le Blavet et édifièrent un oratoire en l'honneur de leur maître, d'où Pontivy. Au XIIIe siècle, le vicomte de Rohan construisit le château des Salles, et bientôt après, la ville fut fortifiée. Maintenant, une rue domine le quartier moderne. On la nomme rue nationale. Elle aboutit à la place Égalité. Une autre place, parfaitement carrée, où s'érige la statue d'un général, des quais au cordeau, une caserne, les bâtiments de l'administration civile, une sous-préfecture géométrique avec des passants autour et dedans, comme dans toutes les sous-préfectures, contribuent à caractériser la partie neuve de cette cité, qui porta le nom de Napoléonville sous l'Empire. Heureusement, quelques ruelles et venelles, la rue du Fil, la rue du Pont et la place du Martret, qu'illustrent le bon docteur Guépin encagé dans sa grille barbelée, réconcilient avec Pontivy. Le jour de la foire, la place du Martret, en vieux français Martret, est synonyme, croyons-nous, de cohue marché, ne manque pas de pittoresque. Une vieille demeure montée sur des colonnes cylindriques et un logis à poivrière en vis-à-vis donnent beaucoup de charme à cette partie du Pontivy ancien. Des façades à gros appareils de pierre sculptées, des toits à girouettes et à clochetons ornés, des portes ogivales ou cintrées, des fenêtres jumelées, des sablières à grosses moulures, des huis de vénérables menuiseries, des boutiques à ouverture surbaissée et jusqu'au ruisseau médian, cher à la basoche, amusent par leur fantaisie. La pente de ces ruelles conduit au Blavet canalisé dans sa traversée de la ville. De bonnes petites maisons à la mode d'autrefois regardent couler l'eau et glisser les chalands. Ajoutez à cela une visite au château, lourde et puissante construction, enterrée à mi-corps dans de hauts talus, et qu'enjolive quelques lucarnes gothiques et du lierre en passementerie verte, une promenade aux vieilles halles charpentées en face de l'église où l'on vénère Notre-Dame de la Joie, à laquelle on offrait, il y a encore quelques années, des veaux gras dont le bénéfice alimentait la caisse de la fabrique, et vous connaîtrez la cité de Saint-Ivy. Le 14 août au matin, notre Victoria, qu'une bête panarde entraîne à la vitesse du pas, nous fait traverser la ville endormie. Un brouillard bleuâtre flotte sur le Blavet et sa gaze mouvante monte vers la ville qu'un soleil mal éveillé éclaire à peine. Tout de suite, la route monte. À l'allure de plus en plus affaiblie de notre Rossinante, nous allons ascensionner jusqu'au village de Kelvin, planté gaillardement au sommet de la plus haute colline du pays. Tous les pardons se ressemblent dans leurs grandes lignes, culte du feu, de l'eau et des reliques. Ce qui les différencie, c'est l'étrangeté des costumes, la beauté du sanctuaire et le charme du paysage. Kelvin, à ce triple point de vue, mériterait le voyage. Chaque pardon a toujours une origine plus ou moins légendaire. Voilà ce que m'a raconté un vieux tisserand de Saint-Uriot. La Vierge vieillie, et sur le point de s'en aller au ciel, ne voulut pas quitter la terre sans visiter la Bretagne où l'on était si pieux, lui avait-on dit. La voilà qui part, un bâton à la main, escortée des anges qui la portaient dans les endroits difficiles. Elle fut ravie de ce pays et déclara qu'avant sa mort, elle choisirait un lieu où l'on viendrait l'invoquer. Kelvin eut sa préférence, mais pour ne pas faire de jaloux, les saints bretons, et ils sont nombreux, lui conseillèrent de laisser le sort décider de son choix. Soudain, elle prit une boule et la fit rouler à travers la Bretagne. « Là où elle s'arrêtera, déclara la Vierge, s'élèvera mon sanctuaire. » La boule s'arrêta bientôt, et déjà les gens du pays apportaient les pierres quand la Sainte Vierge, entendant une jeune fille injurier sa mère, reprit sa boule et la lança dans une autre direction. Là, des gens se querellaient et juraient grossièrement. Sans se décourager, elle prit la boule et la fit rouler une troisième fois. La boule s'arrêta sur la montagne de Kelvin, à l'endroit choisi par la Vierge. « Voyez le miracle, termine mon vieux tisserand. Une boule ordinaire tomberait dans les trous, mais celle-ci est montée sur la colline. Vive Madame de Kelvin !» Kelvin s'élève au sommet d'un étroit plateau et quelques maisons contemporaines de l'église l'entourent seulement. Des ormes gigantesques ombragent la place. Une sorte de Scala Sancta, bâtie au XVIIIe siècle, loup ridicule sans style, empêche d'embrasser l'église d'un coup d'œil. Les deux étages de la cour sont couronnés de galeries à dessins flamboyants. La flèche, assez élégante, est malheureusement sans proportion avec la hauteur de la tour. Des pignons à crochets et à panaches percées de fenêtres ogivales, garnissent le côté méridional. De sveltes contreforts terminés par des pinacles à crosse soutiennent les cinq pans de l'abside. Des gargouilles, des animaux fantastiques, des galeries flamboyantes contournent, surmontent, décorent tout l'édifice et lui donnent une rare richesse. Sur le chevet du monument, on remarque les armes de Rohan et les rimaisons dont le beau château ruiné se voit encore au milieu du lierre et des herbes envahissantes sur les rives du Blavet. D'après la tradition, ces seigneurs auraient fondé Notre-Dame de Kelvin. À 8 heures du matin, lorsque j'entre dans l'église, une rangée d'hommes en chupaine blanc communie dans la demi-obscurité de la nef. Un prêtre revêtu d'une chasuble écarlate passe devant leurs têtes serrées. Des groupes se forment par paroisse, les vieillards au centre, un genou à terre, l'autre jambe repliée et appuyée des mains sur des bâtons. Obstinées dans leur foi, trois femmes en capot noir, statues inanimées et massives, regardent avec des yeux minéralisés Notre-Dame de Kelvin offerte à son autel. Habillée d'une robe blanche courle des galons d'or, la Vierge présente l'enfant Jésus. Un assez joli mouvement des draperies dissimule une fente centrale, car à de certaines heures, on ouvre Notre-Dame comme une armoire et un triptyque intérieur apparaît. C'est-à-dire que le corps de la statue est évidé et le sculpteur a disposé 12 bas-reliefs représentant la Passion sous autant de petits ogives formant chapelle. Accroupis, assis, agenouillés, debout, penchés ou accotés au mur, les arrivants attendent silencieusement leur messe, des chapelets rustiques à chaînons de cuivre, des mouchoirs carrelés, des parapluies bleus, des cannes, des chapeaux galonnés encombrent leurs mains aux doigts carrés, puissants, éloquents, plus propres à guider les manches de coultre qu'à manier les rubans de velours et les menus cierges de pèlerinage. Les bonnets de juges dominent l'assemblée. Cependant, leur symphonie rouge et noire s'éclaire par taches, des coiffes à pignons et des larges dentelles à la mode de Beau et de Saint-Jean Brévelet. En dehors de la porte et presque à la limite du gravier, prosternées et balbutiantes, des pèlerines par procuration remplissent avec zèle leur mission. Ces femmes sont payées pour représenter au pardon des malades qui ne peuvent y assister. Quelquefois, des cultivateurs riches, mais éloignés d'un pèlerinage, délèguent ainsi des pauvresses qui, pieds nus et la trique à la main, accompliront des pénitences en leur nom. Des métayers, des paysannes, des marins, des vieillards, des jeunes gens montent l'escalier qui conduit à une pièce disposée en bureau avec des tables et des cahiers de comptes. Des secrétaires en chupaine blanc inscrivent infatigablement les sommes versées pour des intentions pieuses. Pendant 3 jours, les économies de ces bonnes gens tomberont dans les profondes cuvettes de cuivre fourbies comme de l'or et flanquées à droite de chaque table. Des troncs pour les aumônes plus humbles sont disposés un peu partout sur les routes des chapelles. Parfois, un simple poteau au bord d'un chemin supporte une tirelire de fer et avertit de l'approche d'un saint. Les vêpres font s'agenouiller en dehors de l'église la multitude qui n'a pu trouver place dans la nef. À Kelvin, la fête profane côtoie la fête religieuse. La disposition des lieux, une place resserrée, des ruelles insuffisantes, oblige les somnambules à dresser leurs toiles peintes en face des porches de l'église, et les marchands de victuailles côtoient les négociants en objets de piété. Saucisses et cierges, pâtés, médailles de Notre-Dame, cidre, images pieuses, pains et chapelets se débitent côte à côte. Sur la lande qui domine le pays entier avec ses villages, un feu de joie est dressé qu'allumera un ange du ciel. Le voici, il descend sur la corde raide tendue de la galerie du clocher jusqu'au fagot. Cet ange de bois tient une torche et va d'un élan irrésistible se jeter sur un amas d'artifices qui détonne horriblement et allume la paille à la base de la colline de broussailles. Alors c'est le feu parmi les éclats de pétards les roulements des tambours, les cris de la foule chassée par les flammes. Debout contre un calvaire vieux et usé par les pluies et les vents, en marge de la lande de Kelvin, j'avais aperçu dans une vallée la flèche de Saint-Nicodème, et le souvenir m'était revenu d'une fontaine flamboyante à trois façades et trois vasques, auprès d'une chapelle née, semblerait-il, d'une même inspiration que Notre-Dame de Kelvin. À 2 kilomètres en avant, je traverse à Saint-Nicolas-des-Eaux une avenue de chaumine que rompt un pignon unique, celui d'une maisonnette du XVe siècle, bâtie à la mode de la ville parmi ses façades paysannes. La chapelle de l'antique prieuré de Saint-Nicolas paraît prête à choir. Ses pignons branlent et les arêtes de ses toits semblent des échines cassées qui vont se rompre. En bas d'un sentier en cascade, seul accès au village, le Blavet canalisé gronde et écume. Ici, la rivière dessine une boucle parfaite autour d'une falaise à pic de 60 à 80 mètres. Une chapelle est nichée sous une énorme roche en encorbellement. À l'intérieur, cet oratoire de Saint-Gilda forme crypte. Trois côtés et la voûte sont creusés dans la colline. Il n'y a qu'une muraille en maçonnerie. Les touristes ne manquent jamais de frapper une pierre sonnante montée sur un piédestal. Son bruit rappelle le son d'une cloche. En ce jour du 15 août, les travaux sont interrompus et dans le silence miraculeux des champs, il y a comme une suspension de l'effort humain, un repos solennel des choses et des gens. Le paysage a la forte saveur du terroir armoricain. La colline renflée et rousse s'embrase au soleil. Des espaces pelés, entre les hautes touffes grises des ajoncs, montrent à nu l'ossature des coteaux. Plus à l'horizon, d'autres paroisses vont se diluant dans l'air jusqu'à ne plus former qu'une évaporation de feuillets et de toits. Des collines bouillonnent et fument vers le firmament. Mais là-bas, nous sortons du pays des chupaines blancs et des capots noirs pour entrer dans la terre des vestes noires et des larges capelines blanches.